Chapitre 2. Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte que je livre pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui ne me connaissent pas personnellement. Je lutte pour que leur cœur soit rempli de courage, pour qu'ils soient unis dans l'amour et parfaitement enrichis de la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui viennent de Dieu. Je vous parle ainsi afin que vous ne laissiez personne vous tromper par des raisonnements habiles. Même si je suis loin de vous dans mon corps, je suis près de vous en esprit, et je suis heureux de voir avec quelle fermeté vous tenez bon ensemble dans votre foi au Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui, construisez toute votre vie sur lui, soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à ce que l'on vous a enseigné, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous fasse prisonnier au moyen des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine qui s'appuie sur les enseignements transmis par les hommes, sur les éléments spirituels du monde, et non sur le Christ. Car tout ce que Dieu est a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui, et vous avez tout reçu pleinement dans l'union avec lui. Il domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui consiste à être délivré du pouvoir du corps pécheur. En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été enterré avec le Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené de la mort à la vie. Autrefois, vous étiez spirituellement mort à cause de vos péchés et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Il a annulé le compte défavorable de nos dettes, qui nous était contraire par ses dispositions obligatoires, et il l'a supprimé en le clouant à la croix. Par la croix du Christ, Dieu a enlevé leur puissance aux autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège de victoire de son Fils. Ainsi, ne laissez personne porter des jugements sur ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, de la nouvelle lune ou du sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par un personnage quelconque qui prend plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges, qui attache beaucoup d'importance aux visions qu'il a eues. Un tel homme est rempli d'orgueil, et cela sans raison, par sa façon humaine de penser. Il ne reste pas attaché au Christ qui est la tête. C'est grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Vous êtes mort avec le Christ et avez été délivré des éléments spirituels du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous apparteniez à ce monde? Pourquoi acceptez-vous qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci. Ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de règles et d'enseignements dus aux hommes. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse avec leur culte qui vient de la volonté humaine, leur pratique d'humilité et l'obligation qu'elles imposent de traiter durement le corps. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs physiques.